corto per corto. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille qui est avec vous ce soir pour la prochaine heure, une heure de découverte sonore. Ici Gaëtan Gosselin à l'antenne, heureux de vous retrouver. Alors comme de coutume, vous le savez, j'aime bien explorer ce qui se passe de par le monde en matière d'expérimentation sonore et je vous propose ce soir une rencontre avec un artiste visuel et sonore. C'est un éditeur de magazine dont le parcours professionnel m'est apparu être plutôt singulier. Il a pour nom Lloyd Dunn, c'est un gars d'origine américaine, originaire de l'Iowa. Lloyd vit depuis plusieurs années à Prague, en Tchéquie. Il pilote depuis une dizaine d'années maintenant un magnifique projet de diffusion qui est plutôt original, intitulé Nula.cc, Nula.cc, Nula qui veut dire zéro. Et c'est un site à la fois mystérieux et très riche sur les plans visuels. Et ce sera évidemment sonore aussi et ce sera ce soir à la source du programme que je vous propose. Alors, l'engagement de Lloyd Dunn dans le milieu artistique, il prend son essor au cours des années 80. On est en Iowa alors qu'il crée et dirige un périodique nommé Photostatic Magazine qui se consacre à l'art créé spécifiquement avec le photocopieur, la machine Xerox à l'époque. Et ce magazine, il sera très populaire dans la communauté des fanzines en plein essor à cette époque aux États-Unis. C'est durant cette période que Lloyd Dunn va s'intéresser aux arts sonores et à la musique concrète et qui va l'amener à produire de premières œuvres sur bande, dont une série de cassettes sous l'intitulé Phonostatic, en écho à son magazine Photostatic. Et là, j'ouvre les guillemets, il dit « Comme je devenais de plus en plus intéressé par la musique concrète, j'ai fait des études de musique électronique et c'est comme ça que l'aventure sonore est née. » En 1987, il cofonde le groupe multimédia de Tape Beetle avec John Heck et Ralph Johnson, un collectif qui est passionné par les collages sonores et cinématographique, ainsi que par la performance en direct. On trouve d'ailleurs sur YouTube des extraits de ce travail multimédia de Tape Beetles. Alors, pour donner le ton à cette présentation de Lloyd Dunn, je vous propose une pièce intitulée In Section, qui est une bande de son originale du film éponyme de Michael Kinderney, réalisé en 2018. C'est tiré de l'album Fata Morgana, à propos duquel Lloyd Dunn s'est inspiré de la fable cinématographique de Werner Herzog qui s'intitule Fata Morgana. Alors, une pièce de Lloyd Dunn intitulée In Section C, tirée de l'album Fata Morgana. Il faut dire que la production visuelle et sonore de Lloyd Dunn est impressionnante quand on navigue sur ce site fabuleux. Pour vous en donner un aperçu, j'ai regroupé les principaux thèmes, les actions, les matériaux de ses nombreuses créations dans l'énumération suivante que l'on retrouve au cœur de son projet Nula. Point CC. J'énumère alors voilà, images d'un voyage à travers la Bohème du Sud, rêverie pour le son d'un film documentaire, collage de sons captés au microphone et de matériaux trouvés, une séquence de notes et d'enregistrements sur le terrain à propos de Anna Akhmatova, enregistrement sur le terrain de tambour de rue à Montevideo, enregistrement documentaire du métro de Saint-Pétersbourg, audio 14 minutes, de l'eau qui se précipite et qui tombe sur des cloches, poème de nuit, improvisation à la surface des choses physiques. Alors on écoute ensemble une pièce tirée cette fois de l'album East by Rail. Ça s'intitule Bells the Silence. Alors, c'est l'accroche-oreille. Je vous entretiens ce soir de la démarche de l'artiste Lloyd Dunn, un artiste sonore. Je vous en parle parce que je l'ai découvert il y a quelques années à travers ce site immense, un site internet de création sonore et de photographie, un site de voyage intitulé Nula.cc qu'il a mis en ligne et qu'il alimente depuis une dizaine d'années, voire un peu plus. Vous trouverez ça sur le web facilement, Nula, Nula.cc. En faisant une recherche, je l'ai trouvé. Lloyd nous raconte que cette aventure Nula.cc est le résultat finalement d'une insatisfaction quant à la façon dont le web est utilisé pour diffuser les œuvres d'art. Considérant la création sonore comme des artefacts numériques comparables à un texte écrit et accessible dans sa forme numérique, il décide donc de créer un espace web d'accès libre et composé de ses propres œuvres. Le site web Nula.cc, donc, dit-il, une exploration d'une certaine idée de ce qu'est un artefact numérique. Le concept est plutôt intéressant. Alors, le site consiste en une série de fichiers, chacun étant un assemblage de sons, d'images et de mots, tout ça mis à disposition pour téléchargement, partage, commentaires et manipulation ultérieure. Ce qu'il appelle les file cast, c'est comme ça qu'il les appelle. Ils sont généralement créés à partir de matériaux sonores trouvés ou d'autres sources originales. Je souhaite simplement laisser les œuvres parler d'elles-mêmes, dit-il, même si chaque file cast individuel est accompagné d'indices plus ou moins détaillés quant à la signification, au contexte ou encore à l'interprétation possible des œuvres proposées. Alors, pour preuve, ce descriptif accompagnant l'album Momentum, paru en 2018. Alors, il dit ceci, le momentum, ça évoque selon lui le sentiment subjectif qu'un son puisse produire la sensation d'un mouvement vers l'avant, la sensation du temps qui avance plutôt que du temps qui semble immobile. Voilà une belle réflexion sur cette idée de momentum sonore. Alors, une pièce intitulée Momentum de l'album éponyme Momentum, une pièce de Lloyd Dunn. Très beau cinéma pour l'oreille. Donc, c'est la Croche-Oreille qui est en route pour un bref battement promotionnel. Vous pourrez retrouver les pièces, les créations de Lloyd Dunn sur la plateforme Bandcamp. Et pour d'ici la pause, je vous propose qu'on écoute un second extrait tiré de l'album Momentum. Ça s'intitule Into de Darkness. Vous écoutez la Croche-Oreille. Alors voilà, on est de retour, c'est l'accroche-oreille, Gaëtan Gosselin qui est avec vous. Dernier droit d'ici 22h. Je vous rappelle que vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site l'accroche-oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile, l'accroche-oreille.wordpress, où vous faites une recherche et vous tombez là-dessus. Alors, je vous fais entendre ce soir des travaux sonores de l'artiste Lloyd Dunn. C'est un artiste d'origine américaine qui vit et travaille à Prague depuis plusieurs années. Il alimente et anime depuis une dizaine d'années un site web qui est magnifique, intitulé nula.cc, qui regroupe des travaux sonores, certes, mais aussi des réflexions sur la diffusion et des travaux photographiques qui sont issus de ces nombreux voyages, des œuvres sonores construites à partir de captations sur le terrain. Il a glané des matériaux trouvés. Il travaille l'idée du collage, de la superposition de sonorités. On y retrouve évidemment, pour ceux qui ont entendu les pièces précédentes, des éléments liés au paysage sonore, au field recording et j'en passe. Lloyd Dunn a débuté sa carrière à titre d'éditeur d'un magazine dédié aux œuvres issues de la machine à photocopier, du photocopieur, pour s'intéresser par la suite un peu le fruit du hasard ou d'un intérêt particulier pour la création sonore dans une perspective qu'on peut qualifier de multidisciplinaire. Je vous fais entendre maintenant une pièce tirée d'un album intitulé Trilogy, c'est en anglais. Il raconte que c'est né, c'est-à-dire que non, c'est le critique Massimo Ricci de la revue Touching Extreme qui raconte que cet album propose une superposition assez habile d'enregistrements sur le terrain et de sons provenant de frictions microphoniques. Il dit qu'on va être surpris de voir que tout ça est un peu fondu dans le résultat final lorsque l'on plonge dans les puissants courants sonores qui nous sont proposés. Le projet combine donc trois œuvres qui impliquent l'idée de friction entre le métal, le bois, la peau, l'eau et l'air. Alors, on vient d'entendre un extrait d'un titre, Heather in Fog, c'est tiré de l'album Trilogy. Une création de Lloyd Dunn qui est, comme la plupart de ses œuvres, là encore inspirée d'expériences existentielles sur le terrain. Alors, à propos d'un autre album, celui-là intitulé Fall to Earth, Lloyd Dunn raconte ceci, et là c'est intéressant, ça donne une idée de sa démarche. Il dit, je marche dans le parc le soir, je trouve un voile de brume serrant les arbres, les bâtiments, la pente de la colline. Il y a des cristaux blancs de neige qui descendent, une délicate pluie d'étoiles plumeuses. Je ne vois pas très loin sur le chemin devant moi. Il n'y a qu'un endroit vaporeux où l'espace est perdu, où le temps est perdu et tous les sons qui m'apparaissent lointains comme si le monde était derrière moi. Le lendemain, après-midi, je me trouve dans le même parc. Le brouillard est parti. La neige a fondu. Dans sa fraîcheur, l'air calme se souvient des brumes de la veille. Les corbeaux se sont installés dans le parc et ils titubent et picorent dans le champ, ramassant des choses avec leur bec. Soudain, ils s'envolent tous, un linceul noir voilant le ciel nacré. Ils râlent et tous, en aboyant comme des petits chiens. On écoute maintenant cette belle pièce intitulée « I don't find you ». Thank you. Alors voilà, ainsi s'achève la Croche-Oreille pour ce soir, sur soirée en compagnie, une soirée sonore en compagnie de l'artiste Lloyd Dunn à propos de son magnifique projet intitulé Nula.cc, un site web que je vous invite, je vous encourage à jeter un coup d'œil. J'en profite pour saluer, remercier Lloyd Dunn de nous avoir permis l'écoute ce soir de son travail et je vous indique que vous retrouverez ses créations sur la plateforme, également sur la plateforme Bandcamp. Alors, quant à moi, je vous reviens la semaine prochaine. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.